Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans Transmission numéro 18, la nouvelle table ronde du Passeur Critique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un sauna à Bruxelles par 45 degrés pour parler ensemble de A Quiet Place de John Krasinski. On parlera ensuite de Dans la brume, le film de Daniel Roby. Et puis, on fera un petit peu un détour du côté des films canois, n'est-ce pas ? Puisqu'on va parler de Everybody Knows, le film d'Asghar Farhadi. On parlera aussi de En guerre de Stéphane Brisé. Et on fera un petit détour par, ah bah oui, Solo, le film de Ron Howard. Nous sommes très très heureux de vous retrouver. On remercie d'ores et déjà notre sponsor Clair Obscur Productions de nous prêter un petit peu de matériel. Et surtout, on est très très heureux de retour d'une tournée triomphale. Monsieur Julien Rombaud est ici avec nous aujourd'hui. Bonjour, je suis très heureux d'être de retour. Alors, comment était cette tournée entre Charleroi et Namur, c'est ça ? Oh, c'était une grande réussite. On te félicite en tout cas pour ta pièce, tout cynisme mis à part. Monsieur Manuel, c'est là aussi. Salut Olivier, comment tu vas ? Ça va bien, ça va bien. Je crois que tu as insisté en tout cas pour que nous parlions de Dans la brume. J'avais voulu mettre un coup de projecteur en début d'année, on va voir si ça se confirme. Ok, super. En tout cas, j'en profite pour me dire qu'on va commencer par A Quiet Place, qui n'est pas encore sorti dans les contrées françaises. Et on sait qu'il y a des millions de Français qui nous écoutent et qui sont particulièrement fans de Monsieur Lucien Alflandre, qui est là à ma droite. Absolument. Comment vas-tu, Lucien ? Ça va et vous ? Tu n'as manqué qu'un seul film aujourd'hui ? Je m'améliore, j'apprends de mes erreurs. D'ailleurs, je crois que la fois dernière, il y avait un mauvais élève. Cette fois-ci, il y a un bon élève qui est moi. Donc, sans plus de tergiversation, on va commencer tout de suite par A Quiet Place, donc Sans un bruit, le film de John Krasinski. Sans un bruit, donc, c'est un thriller horrifique, on va dire ça, de John Krasinski. C'est un film américain qui est sorti avec un énorme succès aux États-Unis. Le film met en scène Emily Blunt, John Krasinski lui-même, et la petite Millicent Simmons, qu'on avait vue en fait dans Wonderstruck, qui est une actrice qui est sourde. Elle est également sourde dans le film ici, qui raconte en fait l'histoire de la famille Abbott, qui vivent dans un monde post-apocalyptique où des sortes de créatures à Louis surdéveloppés, ont tué quasiment tous les êtres humains. Résultat, ceux qui survivent, survivent en silence. Et donc, on suit l'histoire de la famille Abbott. Et au tout début du film, donc, ils vont perdre un de leurs enfants. Et la petite fille qui s'appelle Regan culpabilise, on va dire, de la mort de cet enfant. John Krasinski, en fait, il est acteur, il a joué notamment dans la série The Office, il est producteur, scénariste, il a travaillé notamment sur Promised Land de Gus Van Sant. Et là, il est scénariste et réalisateur, il y a Emily Blunt qui en a vu dans Edge of Tomorrow ou Sicario. Alors, Julien. Il retrouve aussi Michael Bay après la production 13 Hours à Benghazim. Merci de cette précision, Manu. Julien, qu'as-tu pensé de Sans un bruit ? Alors, je trouve que c'est un film qui, en dépit de quelques petites incohérences de scénario ou de certaines lourdeurs psychologiques, dont tu parlais du deuil, etc., du sentiment de culpabilité que ressent la petite fille, je trouve que ça appuie énormément sur ces éléments, et notamment dans le montage, il y a une séquence assez lourde où on voit des flashbacks, où on voit l'avion qui servait de jouet, etc. Donc je trouve que ça appuie un petit peu trop sur ces éléments. Mais je trouve quand même qu'il est assez efficace, ce film, dans la manière qu'il a de mettre le spectateur en empathie avec lui, et qu'il est assez efficace dans son suspense. Alors ça ne révolutionne rien, mais moi j'étais quand même avec eux et pris par cette histoire de ne pas faire un seul bruit. Je trouve, enfin voilà, je trouve qu'il nous met dans une situation assez inédite. Et je voilà, je stresse avec les personnages, je suis avec eux et je dès qu'il y a quelque chose qui éclate ou un geste maladroit, je suis avec eux. Je trouve qu'il y a des belles séquences d'émotions, notamment avec un vieux personnage qui croise à un moment donné dans la forêt. C'est simplement la lourdeur psychologique qui me dérange de temps en temps, mais je trouve que c'est un film qui se laisse voir et qui est assez agréable à voir. Je suis assez d'accord sur le fait que le film est assez efficace, assez ramassé, assez tenu. Maintenant, pour moi, il ne va pas du tout au bout de son pari qu'il tient sur la première scène, et la première scène est assez alléchante, et puis ça s'atténue assez rapidement. Et son efficacité fonctionne aussi parfois sur des choses un peu évidentes et un peu parfois presque, je sais pas parler de malhonnêteté, mais... De roublardise, ouais, c'est ça. Entre autres, à un moment où il joue sur un suspense, en gros, lequel des deux gosses va mourir, quoi. C'est un peu ça. Enfin, le suspense tient là-dessus, donc fatalement, ça marche. Fatalement, c'est efficace, mais c'est un peu roublard, un peu facile, à mon sens. Et puis, c'est peut-être une lecture que j'ai apposée au truc, mais c'est un film, un film patriarcal, quoi. C'est une famille qui ne tient que par le père. Il y a un enfant qui a une sorte de ce qu'on pourrait appeler un don, sans trop spoiler. Mais si le don est utilisable, c'est grâce au père. Moi, je pense que c'est un film surtout qui a le cul entre deux chaises, hein, et qui ne s'assume pas du tout. Parce qu'il y a ce côté high concept du film sans bruit, mais après on peut interroger le fait, est-ce que le film vraiment fonctionne tout du long comme ça ? Je trouve qu'au contraire, le film est souvent très bruyant dans ses effets. Il y a notamment une des séquences clés, pour moi, qui vend un petit peu le film dans la bande-annonce, qui est la séquence Emily Blunt est enceinte, qui va être le moment de l'accouchement, et elle est complètement ellipsée. C'est ellipsé par des feux d'artifice. Et régulièrement, le film, en plus, use et abuse d'un montage parallèle pour désamorcer systématiquement les moments de tension. Bon, bah moi, je suis un peu entre... Enfin, voilà, je suis pas aussi hater que Manu, mais... En fait, le concept du film est assez génial. C'est-à-dire que... Enfin, ce qu'on te vend sur le papier. Donc, c'est un monde où tu peux pas faire de bruit et il y a une fille qui est enceinte. Waouh, trop bien, trop bien. Enfin, sur le papier, c'est génial comme idée. Après, je trouve que... mettre en scène son monde sans bruit, il y a des trucs qui sont hyper lourds et il y a des trucs qui fait bien. Donc par exemple, au début du film, tout ce qui est genre attention, c'est le bruit, etc., on te fait les plans sur les coupures de journaux, etc., c'est hyper lourd. Par contre, tous leurs plans de landau capitonné, etc., tout ceci, je trouve, passe plutôt de manière relativement habile. Le landau capitonné est pour le coup évacué très rapidement par une sorte de séquence où la pluie tombe et tout d'un coup, en fait, tout n'a pas servi à grand chose, en fait. Je te parle de l'exposition de ça. Mais et après, par rapport au moment où elle est enceinte, je crois que tu vois un peu le verre à moitié vide quand même, parce qu'il y a un long suspense au moment de l'accouchement qui culmine en effet par une pirouette avec ce truc de feu d'artifice, ouais, qui est un peu relou. Mais tout était circonstanciel. Le père et le fils reviennent au bon moment. Moi, je trouvais que la séquence était quand même assez bien gérée jusqu'à cette fin que je trouve expédiée. Après, je trouve que le film est très pauvre en termes d'inspiration purement visuelle, par exemple le design sonore ou le design des créatures. Je trouve que c'est très pauvre, qu'on a déjà vu ça mille fois. Après, il y a quand même deux, trois scènes qui sont pas mal. Enfin, en fait, c'est le petit film d'épouvante de série B, concept, où t'as deux, trois séquences qui fonctionnent. Moi, je trouve que la scène d'accouchement, elle fonctionne jusqu'à un certain point. Je trouve que la scène du silo fonctionne pas mal. Voilà, au-delà de ça, tu regardes ça le samedi soir avec tes potes en buvant trois bières, ça, c'est bon. Mais c'est pas non plus genre le thriller horrifique qui mérite de faire autant de boucans, justement. Il y a très peu de ludisme, je trouve, dans ce film à ce niveau-là. Avec toutes les bases qu'il pose, je trouve qu'il joue très peu avec. Au-delà de la manière dont l'ellipsé, à mon sens, l'accouchement, après le gamin, il est vraiment relégué à l'arrière-plan. Il n'y a pas vraiment de scène viscérale qui est construite autour de ça. Voilà, c'est quand même un film qui est loin de susciter l'enthousiasme qu'il a pu susciter outre-Atlantique, quoi. C'est pas la première fois qu'on voit un petit film d'horreur ricain qui arrive ici avec une aura pas possible et qu'on est sacrément déçu. Par exemple, le dernier film de Fede Alvarez qui avait fait le remake d'Evil Dead était bien plus intéressant aussi sur un high concept, mais je trouve l'explorer vraiment jusqu'au bout. Là, il y a assez peu de passages vraiment malaisants. Ce que j'attends un minimum dans un film d'horreur, je trouve que ça reste quand même assez soft pour un film d'horreur de ce calibre. Ça, complètement, c'est très très mainstream. Très bien, bah écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit peu un versant francophone d'une petite série B d'horreur bien troussée avec Dans la brume de Daniel Roby. Sarah, Réponds-moi. Dis-moi, est-ce que la fumée rentre dans ta bulle? Non, non, vous inquiétez pas. Ça a pas l'air de monter jusqu'ici. Il y en a partout. Ça va perdre de vue. Il y a des secours? Non, j'ai rien vu. Il me reste 4 barres de batterie. Si la fumée se dissipe pas... Elle passe pas la nuit. Alors, Dans la brume, c'est un film franco-québécois réalisé par le Québécois Daniel Roby, qui est aussi chef-op, qui a fait la série Versailles ou qui a réalisé un film qui s'appelle Funky Town, qui a eu beaucoup de succès au Québec, que je n'ai pas vu. Le film est scénarisé par Guillaume Le Mans, qui est donc un des scénaristes de polar identifiables en France, qui a fait notamment travailler avec Fred Cavaillé, notamment sur Mea Culpa. C'est avec Romain Duris, Olga Kurylenko et Fantine Arduin, la petite fille qui jouait donc dans Happy End de Michael Haneke. Ça se passe dans un futur proche. Mathieu et Anna sont divorcés, mais habitent en face l'un de l'autre à Paris parce qu'ils s'occupent de leur petite, de leur fille qui s'appelle Sarah, qui est une sorte d'enfant bulle en fait, qui a contracté une maladie qui commence à frapper plus largement. Et il y a un peu des secousses sismiques comme ça, on va dire, et il y a une brume opaque qui commence à recouvrir Paris. Et donc, le film, c'est une sorte de film catastrophe, on peut dire. Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? Je trouve plutôt des belles qualités. Après, on va évacuer, je pense, très vite pour moi, les gros défauts du film, mais qui sont, à mon sens, qui deviennent mineurs vis-à-vis du reste des qualités d'écriture du film. Des effets spéciaux numériques, clairement pas à la hauteur pour ce type de production. Et Romain Duris, qui est bien investi dans le rôle, mais qui n'est pas, à mon sens, le meilleur choix de casting pour le personnage. Après, cela dit... Si on veut jouer le jeu de la comparaison avec un autre film high concept, parce que c'est aussi un high concept, La brume dans Paris, puisqu'il y a très peu d'explications qui vont être données sur sa nature, sans trop en dévoiler, avec un film américain comme justement A Quiet Place, je trouve que la dynamique, comment il va construire et explorer son univers, est bien plus intéressante et fonctionne beaucoup mieux, même dans la relation entre les personnages. Je trouve tout le début du film, la concision du début, comment par petites touches, par l'utilisation de la technologie, comment il va repousser la rencontre entre père et la fille, il la rencontre beaucoup par des petits détails. Tu ressens bien le manque du personnage de Duris vis-à-vis de sa fille dans cette présentation à distance des deux personnages. Après, je trouve que, bon, pour le coup, si le spectaculaire ne s'invite pas forcément dans les effets numériques, une utilisation assez judicieuse d'un décor parisien, de ses bâtiments haussmanniens, de ses toits qui hantent toute une partie de la cinéphilie française, que ce soit de Carnet à Duverneuil, etc. Je trouve qu'il utilise très bien des toutes petites choses pour créer du spectaculaire. Quand les personnages se retrouvent dans la brume, à pénétrer dans la brume, tu te retrouves confronté à une imagerie que tu as aussi actuellement avec des affrontements entre des flics ou ces personnages masqués dans la brume pour être apparentés à des gaz lacrymaux. Il y a quand même carrément une scène d'affrontement texto avec un mec, un casque et un flic. Hein. Je ne suis pas en train, à mon sens, de broder dessus. Donc voilà, je trouve que le film est rempli de plein de petits détails qui sont payants, des petits détails d'écriture, qui doivent créer du spectaculaire avec ce qu'on a en France, sans essayer de chercher à copier un modèle, mais vraiment à créer quelque chose de pertinent. Et je trouve que dans son écriture, dans sa concision et dans cette qualité-là, le film est bien plus intéressant pour le coup qu'un Quiet Place. High concept contre high concept. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai par contre un petit souci justement par rapport à Quiet Place, mais apparemment on ne sera pas d'accord, c'est sur le jeu. Je trouve que ça ne joue pas très bien justement. Enfin, quand tu parles de Romain, oui, il y a de l'investissement, etc. Mais je trouve que les dialogues ne sont pas très bien écrits et que c'est assez sommaire, assez banal, après, assez bancal. Après, tu vas quand même pas dire que c'est un film qui repose grandement sur ses dialogues. Le film est quand même très avare en dialogue. C'est pas un film... C'est un film qui construit de l'action, pas forcément des dialogues. C'est peut-être pour ça que ça te dérange en termes de cinéma français. Non, c'est pas pour ça que ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est que le peu de dialogue qu'il y a, bien qu'il en soit avare, n'est pas bien joué. Donc ça reste un problème. La gamine. Les voisins sont assez catastrophiques. Voilà. En fait, si je vais rebondir là-dessus, les voisins, je trouve qu'ils sont un peu symptomatiques du film. C'est-à-dire que comment ça se termine pour eux? Je trouve ça assez touchant et je trouve ça assez beau, mais je trouve que ça joue pas très bien avec les dialogues abscons, non pas abscons, mais pas très bien écrits encore une fois. Et en même temps, on est quand même avec, enfin voilà, je trouve que ça fonctionne. Et pour les effets spéciaux, j'ai du mal à y croire effectivement. Enfin, je veux dire, quand on voit les plans généraux de la brume sur Paris, etc., je trouve que c'est pas très beau et en plus, j'y crois pas en fait. Je pense que moi, l'imagerie l'emporte suffisamment pour te passer au-delà de l'aspect technique sur ces plans-là, parce que je pense qu'il il en surabuse pas de ces plans-là. C'est pas pour moi un problème majeur du film. Moi, la brume, pour moi, ça va. C'est, par contre, il y a des plans qui sont vraiment ratés. Enfin, la poursuite, à un moment, ils sont poursuivis par un chien. Romain Duris tombe dans la scène, etc. Là, c'est les effets spéciaux sont pas du tout à la hauteur, quoi. Bon, en tout cas, je trouve quand même qu'en dehors de ces effets qui sont pas à la hauteur, comme tu dis, dans la tension, dans l'atmosphère qu'il arrive à instiller dans ce film, et notamment dans la poursuite du chien, mais aussi dans le combat avec le masque, etc. Là, je trouve quand même que la tension est à la hauteur du film et qu'on ressent ces enjeux-là. Et c'est ça qui est le plus réussi, je pense, pour moi. Très bien. Moi, je trouve que la mise en place est pas trop mal, mis à part le jeu de Romain Duris que je trouve assez limité, surtout dans le début, assez problématique. Après, je trouve que l'arrivée de la catastrophe non plus n'est pas hyper crédible, je trouve, au niveau de la réaction des gens, de la figuration. Mais par contre, après, ce qu'il y a, c'est que t'as une situation qui est super bien faite. T'as les parents qui sont au cinquième, ils peuvent respirer, ils sont coincés avec un couple de voisins, et t'as leur fille. Leur fille, elle est dans une bulle qui est trois étages plus bas, et il faut la recharger toutes les deux heures ou un truc comme ça. Donc ils doivent trouver le moyen. Et donc, comme souvent dans les films catastrophes, ils réduisent une catastrophe d'une ampleur gigantesque à juste des enjeux humains très serrés et très précis. Et là, je trouve que scénaristiquement, le mec, Il traite son truc, quoi. Il a cette situation là, il la traite, il va jusqu'au bout. C'est bien c'est du jargon scénaristique, mais on dit c'est bien milqué, c'est-à-dire que avec les éléments qu'il a, eh ben il l'utilise, il va au fond de l'idée, quoi. Et ce qui n'était pas le cas dans A Quiet Place. Et typiquement, la disparition d'un des personnages principaux dans ce film là aussi est beaucoup plus payante que dans le film américain, parce qu'elle est beaucoup plus construite, quoi. Mais et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, donc à partir, on va dire, grosso modo, du premier tiers du film, même si ça joue pas super bien, c'est vrai, mais les enjeux dramatiques avec les personnages, ben ça commence un petit peu à se nouer quand même. L'enjeu entre Olga Kurylenko et Romain Duris, c'est pas grand chose, mais ça fonctionne quand même. Avec les voisins, même s'ils jouent mal, c'est pas grand chose, mais ça fonctionne quand même. Donc, y a pas mal de trucs qui sont bien. Après, je trouve que, oui, en effet, les effets spéciaux sont, surtout dans certains plans, disons plus ambitieux, des longs plans numériques truqués, etc. C'est assez moche. Et après, je trouve que parfois, le réalisateur se trouve un petit peu débordé, en fait, au niveau de la mise en scène. Je trouve qu'il manque un peu d'idées pour se renouveler, notamment à la fin, avec ce non-traitement du personnage du petit garçon, qui pourtant parcourt le film, hein, ce personnage. Et à la fin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la position juste du petit garçon dans la scène, il n'est juste pas traité, quoi. Donc, voilà, je dirais que c'est un film... Parce qu'il resserre aussi, là, il resserre le film sur l'enjeu principal entre Duris et sa fille. D'accord, mais ça ne veut pas dire que tu peux laisser un personnage comme ça. Selon moi, non. Il a été introduit au tout début, principalement en dialogue, un plan lors du Skype, c'est tout. Tu n'as pas besoin de le traiter plus. C'est pas le film. Le film, il n'est pas là. Mais après, oui, d'accord, mais tu ne peux pas juste laisser des personnages en plan, tu vois. Moi, c'est juste qu'il ne savait pas quoi faire avec le petit garçon et qu'il le pose là. Tu vois, et que, enfin, moi, ça m'a posé un problème. En termes de satisfaction, moi, de spectateur, ben, j'ai une telle satisfaction parce que le mec, il te pose un univers, il joue avec et il est cohérent avec. Là où, pour moi, dans le film de Krasinski, ben, il pose un concept il le traite pas vraiment, il procède par petite scène choc, mais il n'y a pas une construction, je trouve, typiquement. La relation entre le père et la fille, ça a beau être des mécaniques narratives, quelques points un peu voyantes, etc. Mais elle fonctionne, et le retournement fonctionne. Là où chez Krasinski, ça ne marche pas. Dans la brume, en effet, les relations entre le père et la fille, ça fonctionne. Mais là où A Quiet Place n'exploite pas son concept, dans la brume, exploite son concept. C'est fondamentalement la différence. Donc pour une fois, un film de genre français qui n'a pas à rougir d'un film américain. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours être dans cette comparaison dès qu'il y a un film de genre ou dès qu'il y a un film qui traite d'autre chose que du drame social ou un drame bourgeois? Pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps comparer aux États-Unis? Je ne compare pas bêtement aux États-Unis, juste pour comparer aux États-Unis. Là, je trouve qu'il y a suffisamment de correspondance entre les deux films. Dans le fond, Alola et Concept, la relation père-fille, une dynamique de personnage pour qu'on ait envie de les comparer du fait des mois qui séparent les sorties. Tu les compares aussi parce que forcément, le spectateur, quand il va voir Dans la brume, il va se dire, est-ce que j'en aurais assez pour le même prix que pour un film américain. Donc forcément, tu parles de ça. Et c'est pour ça qu'aussi que je dis, en termes de narration et de ce que ça te raconte, c'est plus satisfaisant. Pour moi, j'en ai plus pour mon argent, entre guillemets, si tu peux parler bassement dessus, quand je vois Dans la brume, que je vois ça. Et je trouve pas que ça soit pas assez noble pour ne pas en parler, quoi. Bon, à propos de films fauchés, je vous propose d'enchaîner avec Solo de Ron Howard. Heard about a job. Big shot gangster putting together crew. I'm a driver. And I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Solo, A Star Wars Story, c'est le nouveau film de, bien sûr, la franchise Star Wars, donc le nouveau film de Disney, et le nouveau film réalisé par Ron Howard, donc le réalisateur de Splash, le réalisateur de Willow, de Apollo 13 ou de Frost Nixon, pour citer un moins mauvais, qui remplace ici Phil Lord et Chris Miller, donc, qui étaient engagés à la base, qui sont par contre ceux qui ont réalisé La Grande Aventure Lego ou 21 et 22 Jump Street, qui se sont fait royalement remercier à 80% des prises de vue achevées. Et on a appelé ce bon Ron Howard pour finir le travail. Il y a dans le film Alden Ehrenreich qui interprète Han Solo. Nous avons Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Tandy Newton, Warwick Davis, Paul Bettany, un casting de malade avec beaucoup de yes men. Et le film est scénarisé par Laurence Kasdan et son fils Jonathan Kasdan. Alors, c'est l'histoire de Han Solo. Et il y a absolument tout ce qu'on peut attendre. Donc on verra Lando Calrissian, comment il rencontre Lando Calrissian, comment est-ce qu'il acquiert le Faucon Millennium, comment est-ce qu'il devient copain avec Chewbacca, et même comment il a son nom. Dans une sublime scène. Dans une scène absolument d'une nullité abyssale. Un renoncement à l'image du film. Tout ce que tu viens de citer, c'est à chaque fois réglé dans des scènes d'une dizaine de secondes. Je vais commencer sur le film. On va essayer d'aller vite, s'il vous plaît, messieurs. C'est nul. Très long, très ennuyeux. Et le pire, en fait, c'est le manque total de prise de risque. On va vraiment tout faire pour que la fanbase soit contente. Donc, on va rattacher un maximum de trucs à la trilogie originale. Et on va vraiment prendre le minimum de risques. Un moment, pendant une minute dans le film, qui en compte quand même 147, je me suis dit, tiens, ils auraient pu faire un film de casse dans l'espace, dans l'univers de Star Wars, ça aurait été vachement cool. Mais en fait, c'est pas ce qu'ils font. Ils te font une suite de péripéties où tu ne comprends pas les enjeux, tu ne comprends pas la géographie, donc tu ne peux pas t'attacher au récit, tu ne comprends pas ce que les gens veulent, tu ne comprends pas qui est avec qui, pourquoi ils se trahissent, pourquoi ils se trahissent pas. Enfin bon, tu ne comprends rien du tout. Han Solo fait un peu des blagues et n'est pas du tout raccord avec le personnage qu'on connaît de la trilogie originale, encore une fois. Très mal joué, alors que c'est un acteur très valable. Il joue pas mal parce que le film est une grosse galère. J'ai l'impression quand même qu'il y a un défi de charisme qui est quand même très très problématique quand tu t'adresses au personnage de Han Solo tel qu'il a été construit dans l'imaginaire populaire, passé après Harrison Ford. Il est embarrassant tout le film avec ses sourires crispés. Il est nul. Il est nul, mais enfin on l'a déjà vu dans 2, 3 ou 4 rôles où il est très bien. Oui, mais bon, on l'a vu notamment récemment dans un film où il jouait un acteur raté. Alors, ça reste à voir si c'était pas une mise en abîme. De toute façon, le duo principal, le duo amoureux, les deux acteurs, ils sont mauvais comme des cochons. Bon, Emilia Clarke, on le savait. Hein. Pour les pauvres qui se sont tapés comme moi, Terminator Genesis, tu sais que c'est une très mauvaise actrice. Et puis moi, tu le résumais assez bien, c'est un film qui ne sait pas du tout ce qu'il raconte. Genre, le film, le début, commence par Han Solo qui s'évade de la planète où il vit et qui se retrouve séparé de... L'élu de son cœur. De l'élu de son cœur. Et donc, il dit, je vais m'engager dans la flotte de l'Empire, je vais devenir le meilleur pilote et je vais venir la chercher. Et la scène suivante, il se retrouve au front, il se retrouve embarqué avec une bande de mercenaires, et bim, il retombe dessus. Et tu te dis, mais en fait, l'arc narratif entre les personnages n'est pas construit. Après, les spin-offs me foutent moins de Chris Urtirker que les officiels. Peut-être que ça me gêne moins parce qu'on s'empare un peu moins de la mythologie, de certaines choses liées à la force, etc., qui ne sont pas du tout traitées dans ce film-là. Mais c'est peut-être aussi un des défauts. Parce que Han Solo, il est intéressant dans la trilogie originale, parce que son cynisme, il entre en contradiction justement avec les valeurs spirituelles des chevaliers Jedi, de la notion de force. Et sauf que quand il n'y en a pas, son cynisme ne marche pas. Et en plus, dès le départ, il est construit, même pas comme un personnage cynique, il est construit comme un mec au cœur pur en fait. Et puis en plus, ils arrivent quasiment à en faire un père fondateur de la rébellion. Moi, comme toi, j'ai pensé au début qu'on allait, comme Oli, j'ai pensé au début qu'on allait voir un film de casse ou une sorte de film de pirate spatial comme ça. Et ça, pourquoi pas, mais c'est très très vite abandonné. Enfin, il y a rien à sauver. Je voulais juste faire rebondir sur un truc pour sauver un peu Ehrenreich, là, je ne suis plus sûr. Alden Ehrenreich. Voilà. C'est que Donald Glover aussi, ça peut être un super acteur, et là, il est catastrophique aussi. Donc, il est pas bon, parce qu'il a rien à défendre. Et puis même la vague originalité du film, d'essayer de construire une love interest sort transgenre avec un droïde dedans, est construit uniquement sous la forme du gag, donc c'est jamais touchant. C'est ça qui rend le truc particulièrement ridicule, c'est que cette espèce de robot qui se bat pour les droits des robots, qui a évidemment une voix de femme, parce qu'aujourd'hui, on pouvait pas lui filer une voix de mec. Enfin bon, c'est catastrophique. Bon, après le costard pour Han Solo, je propose qu'on passe en terre espagnole, en compagnie du réalisateur iranien Asghar Farhadi. C'est plus la telenovela que la movida. Paco, ven. Hacer algo, por favor. ¿Qué pasa? Le ha pasado algo anoche. Tú no viste a nadie sospechoso. Ahora todos lo saben. Alors, Everybody Knows ou Todos lo saben, c'est le nouveau film de Asghar Farhadi, donc le réalisateur d'origine iranienne, de À propos d'Eli, une séparation, le passé ou le client. C'est un film cette fois-ci hispano-italo-français, mais qui est tourné en Espagne avec Penélope Cruz dans le rôle de Laura, qui habite maintenant en Argentine avec son nouveau mari Alejandro, qui est interprété par l'acteur argentin Ricardo Darín. Laura Penélope revient en Espagne avec sa fille Irène pour assister au mariage de sa sœur. Et elle retrouve Paco, donc c'est son amour d'enfance qu'elle a laissé pour partir en Argentine, qui est interprété par Javier Bardem. Et au cours de la soirée de mariage, la fille de Penélope, donc Irène, disparaît. Et la disparition de la fille, de cette fille, va faire remonter à la surface des vieux conflits, des vieilles rancœurs, et tout le monde va petit à petit se soupçonner dans ce petit village espagnol. Alors, Lucien. Vas-y, Lulu. Moi, je suis pas un immense connaisseur du cinéma de Farhadi, mais je sais que j'avais franchement apprécié les deux films iraniens de Farhadi que j'avais vus, à savoir À propos d'Eli et Une séparation. Et nettement moins, je spoil mon avis sur le film, les deux films européens que j'ai vus. Mais il y a un truc qui m'avait frappé déjà dans les films iraniens de Farhadi, c'est que je trouvais qu'il avait des thématiques, une manière d'aborder ces thématiques qui était très cinéma français. Et ça m'étonnait pas quand il faisait Le passé qu'il fasse ça en France. Maintenant, quand il s'exporte en Espagne avec l'aide de stars espagnoles pour faire ce film-ci, mais je vais être dur, mais j'ai eu un peu l'impression de voir un épisode de Plus belle la vie qui fait 2h30 réalisé par un cinéaste iranien en Espagne. Mais franchement, on n'est pas loin de ça, quoi. Ça fait que chialer pendant 2h30 de film. Le film était vendu comme un drame familial thriller. Moi, je me fous de tout ce qui se passe dans ce film, mais de A à Z, il n'y a pas ou peu de mise en scène dans ce film. Il y a des plans qui sont telenovelas. On dirait des plans de reportage télé sur RTC, quoi. Enfin, c'est vraiment problématique. Même un truc que je sauvais dans le passé, qui n'est pas un film que j'aime beaucoup, mais c'est que je trouvais les acteurs très bons. Et je me demandais même comment ils faisaient pour diriger ces acteurs dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Mais alors là, même Javier Bardem, qui n'est pas toujours génial, mais qui peut être excellent, là, il est catastrophique. Et ça chiale. Moi, j'étais avec une amie qui me disait, mais ça chiale tout le temps. Je disais, oui, à la fin, il y a un plan. Il y a 15 acteurs dans le plan. Ils chialent tous. Mais là, j'ai dû retenir un rire. Enfin non, pour moi, il y a à peine plus à sauver là-dedans que dans Solo. Oui, je ne peux que te suivre, mon ami, dans ton avis. Je crois que la première image du film est assez révélatrice de ce qui va arriver. C'est-à-dire, elle est pas fine pour un bal et que ça annonce un psychodrame un peu balourd et sans grand intérêt, comme tu le dis. Il y a un aspect théâtre filmé. Bon alors, je crache pas dans la soupe, je viens du théâtre, mais là, forcément, c'est très histrionique, c'est très démonstratif. Et en plus de ça, oui, enfin, il y a des décors de naturels, etc. autour, et il n'en fait pas grand chose. Voilà, il ne filme que ses stars, et tout passe par la parole. Enfin, en fait, ce qui m'a dérangé le plus profondément, c'est que il n'y a pas de cinéma parce que il n'y a pas d'acte. En fait, ça, tout est résumé et tout est fait à travers les mots, à travers le verbal. Et donc ça pêche à ce niveau-là, surtout. Bah, c'est vrai, là, sur le dernier point, tu as complètement raison. C'est un film qui raconte, pas du tout en images, quoi, qui raconte que par ses dialogues, une histoire qui est fondamentalement pas intéressante. Quoi. On se fout de tous les enjeux. Enfin, c'est vrai que c'est une grosse catastrophe. À un moment, quand j'entendais Lucien descendre le film, je me disais, il exagère quand même, il faut essayer de rattraper un peu, mais je sais pas trop comment je vais faire. Le film est vraiment très mou, les acteurs sont souvent pas bons, je sauve quand même l'interprète de la nouvelle compagne de Javier Bardem, qui s'appelle Barbara Lenny, qui est assez bonne et qui sauve ce qu'elle peut sauver. Mais bon, surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est un film où ce qui faisait les qualités du cinéma d'Asghar Farhadi ont disparu. Et donc, en fait, on ne voit plus que les défauts. Il n'y a plus que les défauts d'écriture et de mécanique et de cette espèce de mécanique forcée scénaristique qui apparaissent et qui viennent à la surface. Et en fait, on voit une espèce de scénario tiré par les cheveux, de révélations auxquelles on ne croit pas. Tu disais qu'il n'y a pas de mise en scène. C'est faux, il y a toujours une mise en scène, sinon il n'y a pas de film. Mais c'est juste que la mise en scène est nulle. C'est-à-dire qu'à un moment, il filme tout le monde dans une pièce, contre-champ Javier Bardem, le moment bien sûr où la famille est contre le personnage de Javier Bardem. Et puis Javier Bardem s'en va un petit peu genre fâché. Et Penélope Cruz, elle était juste là à l'attendre sur le pas de la porte, genre Paco, Paco. Et alors qu'elle n'a pas assisté à la scène précédente. Enfin, c'est juste que. Mais elle arrive en plein, au plein nulle part, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Elle attendait sur le pas de la porte, elle n'était pas dans la scène, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, par exemple, la révélation finale. La manière dont la révélation finale est amenée, c'est d'une lourdeur, on n'y croit pas, ça fait vraiment genre... Julie Lescaut. Un peu ça, ouais. Quand j'ai vu ce film, j'ai un peu pensé à La fille inconnue des frères Dardenne, parce que c'était aussi le moment où les frères Dardenne avaient Manu complètement Jubile. Perdu tout ce qui faisait ce qui faisait la qualité de leur cinéma et qui ne laissait plus apparaître que les défauts d'écriture. Et ben, c'est exactement la même chose ici. Et on voit des ficelles qui sont grosses comme des poutres, c'est très problématique. C'est aussi encore un film qui fait 2h30 et qu'on ne comprend même pas comment c'est, d'où ça sort, d'où il y a une heure qui pousse sur leur ennemi principal. Bah, il faut qu'ils boivent beaucoup au début, ouais. Que Javier Bardem se prenne une crotte de pigeon. Ah, c'est ridicule. Pour sortir une qualité du film qui a peut-être été, il y a peut-être eu de l'argent un peu de l'office du tourisme du coin, ça donne envie de partir en Espagne et de boire du bon vin dans des petites terrasses sur des petites places au pied d'une église, quoi. Mais bon, rappelons quand même qu'en effet, À propos d'Eli et Une séparation sont quand même des bons films. Voyez-les si vous ne les avez pas vus. C'est un film de Claude Lelouch qui se prendrait pour Hitchcock, c'est ça? Sauf qu'il n'y a même pas l'ambition d'Hitchcock et la folie de Claude Lelouch. Voilà. Très bien, mais je vous propose de finir fâché cette émission avec le nouveau film de Stéphane Brisé, En guerre. Monsieur Bandori, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous? Oui, le groupe, il a tenu ses promesses d'investissement. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Voilà. Écoutez, non, mais c'est sans appel. En guerre, c'est donc le nouveau film de Stéphane Brisé, après La loi du marché, qui avait valu un prix d'interprétation à Cannes pour Vincent Lindon, et Une vie, son adaptation de Maupassant. Donc c'est l'histoire de Laurent Amadeo, qui est interprété par Vincent Lindon, qui est en gros délégué syndical d'une usine qui sous-traite pour des pièces automobiles, je crois, l'usine Perrin à Agen, et le groupe allemand, en fait, qui détient Perrin Entreprise, décide de fermer cette usine malgré la rentabilité de cette usine. Et donc Laurent, Vincent Lindon, va s'engager dans une grève qui va... Et nous, on va vivre en gros l'évolution de cette grève au fil des semaines, des mois, jusqu'à l'issue du conflit entre les travailleurs et la direction, les méchants Allemands. Alors je vais commencer peut-être sur le film. C'est un film que j'ai trouvé... pas désagréable. J'ai suivi le film avec un certain intérêt. Et plus j'y repense, et plus il s'effondre, en fait, selon moi. C'est-à-dire que Je trouve que c'est un film tract, en fait. Je trouve que c'est un film qui pose quand même des problèmes au niveau éthique, puisque c'est limite un film de propagande. Hein. C'est un film qui est quand même assez manichéen. Vincent Lindon joue un personnage qui est assez... on va pas détailler son parcours là, mais qui est vraiment érigé en une forme héroïque. Après, je trouve que le film documente relativement bien sur ce qu'est une grève. On voit... qu'est-ce que ça implique chez les grévistes, la perte du lien familial, on voit les conflits entre les grévistes, etc. En tout cas, on en parle beaucoup, on en parle énormément. Enfin, c'est un film qui est essentiellement sur la parole, de toute façon, qui alterne entre scènes, on va dire, d'action, et d'action de grève, et des scènes de parlotte. Pardon, je fais une petite parenthèse, mais qui sont filmées comme des vraies scènes d'action. Comme on le fait dans le cinéma américain, les scènes de grève. Non, justement pas. Le film s'appelle En guerre, tu vois. Il aurait pu faire une espèce de Braveheart façon grève. Pour moi, il le fait carrément. Mais non, fondamentalement, j'ai l'impression que Stéphane Brisé veut nous dire des choses, mais qu'il n'a pas envie de les filmer. En fait, j'ai l'impression que faire un film, ça ne l'intéresse pas. Il fait toujours le même dispositif avec ses caméras, et moi, je trouve qu'on est très loin, en fait, de l'action. On est très loin de ces discussions. Pense à cette scène où ils font bloc devant l'usine, et où t'as les CRS qui viennent les chercher un par un. Il y a une démission face au fait de filmer l'action. On se met loin et on filme comme ça. Mais il crée une tension quand même. Non, mais attends, enfin, désolé, mais pour moi, il y a une totale démission de tout son sujet et de comment il se passe avec les gens. Je veux dire, ça finit dans une résignation totale. Bah, pour le coup, j'étais vraiment en guerre avec ce film parce que je trouve que c'est moralisateur. Je trouve qu'on est juste centré autour de Lindon, qui a une place malsaine. Je parle vraiment, selon moi, mais vraiment qui a une place malsaine, qui est érigé en héros à la con, qui est vraiment le mec qui sait tout, qui dit tout le temps aux autres de se calmer, mais en même temps, qui donne des leçons à tout le monde. Il écrase les autres rôles. Enfin, je veux dire, le réalisateur lui donne vraiment une place où je ne vois que lui. Alors, ça se passe à Agen, etc. Je vois très peu de personnes, si ce n'est la femme blonde, qui ont l'air d'être de la région, qui ont l'air d'être de ce terroir, de ce truc, parce qu'il y a quand même une volonté documentaire, on dirait, ou en tout cas quelque chose de vouloir imiter. Et en fait, à tellement vouloir imiter la vie, je trouve qu'il est totalement distant et qu'il oublie qu'il y a des spectateurs et qu'il oublie qu'il fait du cinéma. Et c'est comme tu disais, c'est un tract. C'est une sorte d'anti, la loi du marché. En fait, je ne l'ai pas compris tout de suite en voyant le film. Je pense que dans l'autre, on avait le contre-champ sur les gens. On voyait les autres personnages. Dans En guerre, on ne voit que Lindon, qui est pour moi un acteur assez... je trouve, là, je ne suis pas d'accord avec toi, assez fabuleux, et je le trouve très bon dans le film. Non, moi, je suis pas d'accord. Je ne remets pas en cause les qualités de Lindon, que je trouve aussi dans d'autres films un acteur formidable. Mais là, vraiment, j'ai un problème par le rôle qu'on lui donne et par la place qu'on lui donne. J'ai vraiment l'impression que les autres ne comptent pas et qu'il n'y a que lui au centre, qu'il n'y a que lui de face. Et j'ai compté, il y a 4-5 fois où il est vraiment, et je trouve ça révélateur, avec le doigt en l'air, en train d'haranguer les autres, en train de dire non, tu ne devrais pas faire ça. Et en plus, je trouve quelle image on donne de ces gens qui se battent et de ces gens qui crèvent. Toutes les scènes finissent en cacophonie où ils sont là en train de se battre, en train de se gueuler dessus. Enfin voilà, je trouve ça complètement caricatural. Moi, c'est pas sur ce registre-là que j'aurais des soucis avec le film. Je pense qu'il documente plutôt assez bien c'est l'intérieur d'une grève, dans ses dissensions, dans ses moments internes. Moi, le problème, c'est le registre de la fiction parce que les rares moments où il crée un petit arc narratif sur le, entre guillemets, qu'est-ce qu'est ce mec-là en dehors d'être un syndicaliste, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et pour, c'est ça le problème pour moi. Je veux dire, quel est l'intérêt d'investir ce cadre-là avec de la fiction? Et pour moi, c'est les rares éléments vraiment purement fictionnels qui ne sont pas de la reproduction documentaire de ce qu'est une lutte, ben, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas et ça ne m'amène pas à comprendre l'acte final du personnage. Et au final, en plus, je trouve que l'acte final du personnage n'est pas utilisé dans une résonance intimiste ou quoi que ce soit. Il est vraiment, là, pour le coup, effectivement, très idéologique. Ouais. Mais surtout dans la manière de le filmer, cet acte final. Enfin, je veux dire, il y a toujours cette distance par rapport à ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on est constamment dans une position d'observation, qu'on est très, très loin. Et en plus... T'as ces scènes de news qui t'apportent encore cette distance, même quand il fait ce fameux truc où t'as Lindon et le Hans Gruber local à la table. Eh bien, en fait, ça l'intéresse pas d'écrire cette scène. Elle s'arrête à un moment qui est lambda, En fait, ça, la scène aurait pu durer 3 heures, elle aurait pu durer 2 minutes. Là, elle en dure, je sais pas, 10. Mais il n'y a pas une construction de tension dramatique dans cette scène. Et puis, encore une fois, il n'y a pas d'immersion parce que, effectivement, la fiction ne le permet pas et qu'il n'a aucun recul. Il est jamais. Alors, je te dis pas que ça va être une comédie, mais il n'y a jamais d'ampleur dans ces personnages. C'est jamais drôle. Il n'y a pas un seul p d'humour dans un film, justement, parce qu'on n'est que dans le cliché. On représente et on n'est jamais dans l'être. En tout cas, je rejoins Manu et je me suis demandé après 20 minutes pourquoi il n'avait pas fait un documentaire qui serait bien plus à propos, il me semble. Après, certains problèmes de mise à distance qu'il peut y avoir, ils sont aussi liés à une systématique aussi que tu te retrouves dans le cinéma français, qui fonctionne aussi beaucoup par dispositif. Et donc, c'est le même dispositif qui est répété constamment. Et donc, effectivement, ça n'aide pas à construire un petit peu de contre-champ sur les choses. Très bien, on va s'arrêter ici sur donc En guerre, le film de Stéphane Brisé, et on va passer tout de suite au conseil. Alors, on va passer au conseil, et c'est moi donc qui vais commencer. On arrive un peu après la guerre. Après la grève, et on a épargné à Manu le fait d'aller voir Mektoub My Love, donc je vais quand même recommander le film d'Abdelatif Kechiche, donc qui s'appelle Mektoub My Love Canto Uno. J'ai été emporté par le film, voilà, je trouve que c'est pas le meilleur Kechiche, mais en tout cas c'est celui qui est le plus radical, le plus jusqu'au boutiste, celui où il oublie complètement toute mécanique scénaristique et qu'il étire, et justement l'intérêt en fait du film vient de son étirement. À la fin du film, j'avais l'impression de voir une espèce d'époque dorée, une espèce de paradis perdu, et je trouve que en fait ces personnages acquièrent une espèce de statut un peu divin. Je trouve que Ophélie, avec son très gros postérieur, est une sorte de déesse de la fertilité. Je trouve que c'est un film qui met dans une ambiance un peu d'Éden, comme ça. Ça faisait longtemps, du coup, mon conseil va être le même que celui d'Olivier. Ça faisait fort longtemps que je n'avais plus vu un film où le moindre personnage existe à ce point-là. Il y a des personnages qui ne tiennent sur rien, qui, au cours d'une quinzaine de secondes dans une scène, existent réellement, sont des vrais personnages de cinéma, mais ce sont juste des vrais personnages, hein, ouais, qui tiennent la route. Je suis d'accord avec vous, évidemment. Je trouve que là, il poursuit totalement ses obsessions et qu'il est de plus en plus libre, débarrassé de ses contraintes scénaristiques. Je trouve que c'est je ne sais pas s'il y a besoin de le dire, mais un film d'une sensualité, d'une sexualité débordante, assez jouissive. Je trouve que c'est drôle, justement. Je trouve que dans ce qui rend au niveau des dialogues et au niveau de ce néant entre les gens, de ce vide qu'il y a entre les relations humaines en vacances, etc. Et je trouve que c'est assez sublime et c'est assez ridicule, et c'est pour ça que c'est sublime. Donc c'est un film mythique, un petit peu comme le site de rencontre, qu'il faut faire regretter de ne plus pouvoir mater des culs de filles de 16 ans, c'est ça ? Bon, Manu, donc nous allons écouter ton conseil. Mon conseil, ça sera Psychokinesis de Sang Ho-yeon. C'est le deuxième film live du réalisateur du Dernier Train pour Busan. Un petit film de super-héros coréen qui raconte l'histoire d'un père un peu loser qui se découvre des pouvoirs de télékinésie qui vont lui servir à sauver sa fille et les commerçants d'un petit quartier de la banlieue de Séoul face à une attaque d'une grosse multinationale. Et voilà, donc c'est un film qui fait un peu penser d'une certaine façon à Crazy Kung Fu de Stephen Chow. Peut-être pas aussi abouti justement que le film de Stephen Chow. Ça fait penser aussi un petit peu au film de super-héros Jig Robo, le film italien. Donc voilà, c'est des tentatives de sortir un petit peu de l'ornière du super-héros tel qu'on le connaît actuellement, qui est sympa. Le film est un peu foutraque, bourré de ruptures de temps comme dans beaucoup de films coréens, mais voilà, ça fait du bien de voir un film qui dévie un peu des clous quand justement ce cinéma de l'imaginaire, c'est des super-héros, est devenu tellement normatif, de voir un truc qui est peut-être pas un chef-d'œuvre, qui est loin d'être un chef-d'œuvre même, mais qui est réjouissant parce qu'il tente des trucs, il ose plein de choses, quelquefois il se prend les pieds dans le tapis, mais le plus souvent il est drôle, il est autre. Très bien, Psychokinesis, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est sûr. C'est sur Netflix. Très bien, merci beaucoup pour votre écoute. Nous avons donc refermé ce transmission numéro 18. Et donc nous nous retrouverons dans un mois pour parler, je ne sais pas encore de quel film, mais on va faire un programme très très vite. À bientôt.